Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Troisième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ما زلنا في الوحدة الأولى في الدرس الأول في الجزء الثاني منه. الآن سأسألكما عن الكلمات. ما معنى الملحق التعليمي عندك؟ كرر يكرر تقريرا ما معنى؟ كرر سانجاجي ديسيدي. طيب السفارة قابل يقابل مقابلة حصل يحصل حصولا إذا زدنا حرف جر على ما معنى حصل على وزارة الداخلية طيب الآن سنجيب عن الأسئلة. أولا هل تسلم محمود تذاكر السفر؟ نعم تسلمه. نعم. ثانيا إلى أين يسافر محمود؟ إلى المملكة العربية السعودية. المملكة. إلى المملكة العربية. إلى المملكة العربية السعودية. نعم. ثالثا هل تسلم رشيد تذاكر السفر؟ لا لم يتسلم. طيب. رابعا من أين يتسلم رشيد تذاكر السفر؟ لم يتسلم. من أين؟ لا أفهم ذو هذا السؤال. من ما معنى من أين؟ دو. طيب من أين يتسلم رشيد تذاكر السفر؟ في أي مكان؟ ما وجدت. عندك؟ رشيد تسلم من مكتب الملحق التعليمي السعودي. نعم هذا المكتب. قرر رشيد الذهاب إلى مكتب الملحق التعليمي السعودي لاستلام تذكرة. هذا هو الجواب هنا. طيب خامسا هل قرر رشيد الذهاب إلى مكتب الملحق؟ سادسا من أين حصل محمود على تأشيرة الدخول؟ حصل عليها من السفارة. نعم. سابعا من أين حصل محمود على تأشيرة الخروج؟ من وزارة داخلية. طيب داخلية. طيب ثالثا أجيب عن الأسئلة الآتية. réponds question suivante. عندك ما اسمك؟ عبد الرحمن. طيب أين تدرس؟ أدرس في دمشق. الدخول إلى المال. ما جنسيتك؟ جنسيتي فرنسي. فرنسية. أيها فرنسية. أين تسكن؟ أيوة. أسكن في دمشق. طيب. كيف قمت باستخراج تأشيرة الدخول؟ تأشيرة. اتصلت بالسفارتي بالسفارة. أجابوني بالرفض لأن جوازي لم يعد صالحا للسفر. وبعد هذه المشكلة قررت بالاتصال بخالد. طيب. مفهوم؟ نعم مفهوم. تمام. وأنت استطعت أن تكتب؟ هذا صغير. ها؟ سهل سهل ما في شيء ما طلبنا منك يعني مجلدا. مع صديقي. ها؟ كنت؟ كنت مع صديقي. لو قلت مثلا كنت بهذا بواسطة صديقي. مثلا. لا أفهم يعني هذا. الجملة؟ لا لا لا يا قلت الأحكام يعني لي ريغل جو سي با. Il y a quelque chose de spécifique après Kunta. Il y a quelque chose de spécifique après Kunta. Ah ouais, comme on a déjà fait Michel Kunto, bi. Toi, tu t'inspires de ce qui est écrit dans le texte. Hein, tu regardes bien la question. Dans la question, tu as tous les éléments. Mais Kunto, il a un sens de prendre l'engagement. Là, ici, ouais, s'occuper de. Mais c'est avec le bi que ça donne ça. Hmm? Même comme tout le parle tout seul, ça ne veut pas dire qu'on a une phobie avec. Phobie ou tu peux même phobie, peut-être ça peut. Ça peut être avec Allah aussi. Akum ala zalik. Sadisan. Kefa kumta bi istikhraj ta'shirati al-khuruj. Ma indi ta'shirati al-khuruj ma ahtajwa. Tayyib. Wa anta ajabta? كل نصوب استفيد من الاخطاء هذه دي وكوريج اون بروفيت ايش قلت تعرف معنى كيف كنت باستخراج تأشيرة الخروج افهم ولكن لا لا لا لا réponse sera très simple. Tu dis ma comme tout bizarre. T'as pas fait de tâcher à être rouge. T'as pas fait de billet de sortie. Khas. Ma faal tout. Mais est-ce que dans ce genre de questions, on peut répondre quelque chose de. Par exemple, je suis allé ici. C'est un mensonge ou bien c'est vraiment un mensonge. Si tu le précises. Par exemple, je sais pas, t'as fait un truc, t'as pas forcément envie de le dire. Parce que c'est un exercice, tu vois, c'est pas. Tu dis, ouais, j'ai. Pour m'entraîner, j'ai fait l'histoire, tu vois. Pas de mal. Hein? Il n'y a pas de mal, mais entre nous, là, Inch'Allah, à la baisse. Tu vois. Tu dis, j'ai fait l'histoire et tout. De moi-même. Juste pour pouvoir m'entraîner, justement, à employer les verbes. Ou peut-être, des fois, dans ton histoire à toi, elle est trop compliquée à expliquer. Donc, tu fais un truc. Parce que le kitab il est basé là-dessus, tu vois. Mahmoud il n'existe pas, Rachid il n'existe pas. Tu vois. Là c'est pour t'entraîner, employer les mots, et à faire l'histoire. Non. Ça y est. Ça n'a trop le fait. Ad-Dars Athani. Al-Anouan, fi Maktab al-Hajz. Dans l'agence de réservation. Maktab, comme on l'a dit, c'est pour dire bureau. Et là, ce serait agence. Vous voyez, Hajj, réservation. Masdar de Hajjaza Yajidou. Taïeb, le kalimat ou le jadida. Rihla. Rihla, c'est ma'ana bimana safar. Taïeb, Rihla bimana safar. Al-Sabtu, on a ma'ana samedi. يوم السبت صندي مكان une place un endroit لكن هنا القصد هو يعني سياج une place pour dans l'avion. عليك là dans le sens là c'est un حرف جر avec un ضمير طيب c'est على avec ك لكن إذا قيل لك عليك بكذا أو عليك أن تفعل كذا سيفك تفسا وسا طيب وهو جعل بين قوسين يعني entre parenthèses يلزمك يفك تفسا tu dois faire ça au معنى ينبغي أن تفعل كذا وكذا طيب عليك بكذا il faut que tu fasses ça طيب عليك بكذا il faut que tu fasses ça طيب الدراجات السياحية الدراجة لا ce qui est voulu c'est la classe dans l'avion à la base c'est un degré ça peut être aussi une marche là ce qu'ils veulent eux c'est la classe السياحية touristique طيب سياحية هنا touristique et nous ils appellent ça la classe éco c'est ça ça qui est pas cher زيارة طيب زيارة فلكتبو c'est un مصدر هذا مصدر فيه زارة يزور مصدر زيارة طيب زيارة هذا مصدر زار يزور زيارة visiter طيب بمعنى visiter ثم يقول إقلاع وكذلك إقلاع هذا مصدر هذا مصدر الأحسن الأحسن أن تكتب بعض الدرس هكذا لو إذا كتبته وأنا أتكلم تسمعني ثم تقول ما فهمت معنى إقلاع كذا اسمع أنا أترك السبورة ثم تكتب المهم أنك تكتبها بعد إن شاء الله طيب كما تقول سكوتش دي سأبات إشابي نعم ثم إقلاع طيب وعفوا الله كما سبحانه بيات سي أقلع طيب يقلع المصدر سي إقلاعا ça ça veut dire quoi décoller طيب إقلاع الطائرة c'est le décollage de l'avion طيب pour tout ce qui peut décoller on dit pas l'oiseau je connais pas le إقلاع الطائرة j'ai pas entendu ça non c'est peut-être pour d'autres choses mais l'oiseau je sais pas même en français on dit pas l'oiseau décolle on dit s'envol نعم طيب ثم يقول أكد يؤكد et il a mis le mazar plus loin ils ont c'est complètement désordonné ça c'est أكد أكد يؤكد تأكيداً طيب ça c'est confirmé طيب أكد يؤكد تأكيداً ça veut dire confirmé appuyer une chose là ce qu'il veut c'est confirmer une confirmation du vol طيب et après أكد il nous met le fil أقلع alors qu'il aurait dû le mettre après avant إقلاع et pareillement après يقلع il nous met le mazdar de أكد les ordonner. Et le hajj, on l'a déjà pris le hajj, maman a le hajj, Laoud. Hajj. Aïe. C'est la réservation. Matar, l'aéroport. C'est le matar, l'aéroport. Sa'a, c'est une heure. Et ça peut être aussi une montre. Vous voyez, Sa'a, ça peut être aussi une montre. Mais eux, ce qu'ils veulent là, c'est l'heure. Naum, voyez, Naum, c'est le sommeil. Wusul, c'est l'arrivée. Dakhala yadkhulu ma'louf. Udkhul, ça c'est le fi'l amr, c'est l'impératif, c'est rentrer. Qabl, ça veut dire avant. Aïwa. Mata, ça veut dire quand. Hunaka, ça veut dire là-bas. Vous voyez, Bhunaka, ça veut dire là-bas. طيب نترك التراكيب النحويه والصرفيه ثانيا ابقى ان شاء الله العبارات هذه الاكسبرسيون dans le texte on va trouver l'expression qui veut dire ala al aqal ce qui veut dire au minimum ala al aqal vous avez pris les asma tafdil déjà kabir akbar saghir askhar salih asra vous avez pris les asma tafdil t'as déjà pris toi pas tous. Ah mais t'as appris comment on les fait. Alors comme on dit Zayd est plus grand que Ah non, que Amr. Moi je dis Zayd Akbar. C'est ça, c'est Tawdil, Akbar. Ça vient de Kabir. Enfin, Akol, c'est une Qalil. Akol, c'est le ism Tawdil de Qalil. T'as dit au minimum. Il m'a dit Rafaqatka as-salama, que la paix t'accompagne. Ça, c'est parmi les ibara muntaqada. Tu vois. Bah, à la base, il y a un doa quoi, pour Moussafira, tu n'oublies pas ça. Quoi, tu vois. Un doa, c'est Astaudi'u qu'Allah, elle a dit Udi'u wa da'i'u. Tu vois, tu ne dis pas Rafaqatka as-salama. Voilà quoi. Maintenant, peut-être c'est un Mouazef dit ça à un kafir, peut-être, mais entre muslimines, tu vois, enfin, un doigt entre nous, tu sais ce que je veux dire. Ça, c'est ce qu'elle aime là, tu vois, c'est un truc, voilà quoi. Ma fille, Feïda. Al-Aqal, au maximum, tu veux dire Al-Aqsar. Al-Aqsar. Non. Comment tu dis au maximum Al-Aqsar. De Selim Kathir, tu prends l'ism tawdi de Kathir, tu dis Aqsar. Mais pour l'imaza Khalil, on dit Akala et les autres on dit Omen Sukun, Akbar. Parce que Khalil, tu vas apprendre dans le sauf là, Khalil il a deux lèvres qui sont pareilles, il a deux lèvres. Donc là on va rentrer un lèvre dans un autre. C'est pour ça qu'il y a une chedda, Akal. Akbar, il y a trois lèvres différentes. Donc tu peux toutes les mettre, mais celle-là il a deux lèvres pareilles, donc on va rentrer l'une dans l'autre. À la base, ça aurait été Aqlala. Aqlala. Mais ça se dit pas. Donc, on a entré les deux lèvres ensemble, on fait Aqal. Ça, tu vas l'apprendre, Inch'Allah, dans le sauf. Quand est-ce qu'on fait un idrom, quand est-ce qu'on rentre un harf dans un harf, ainsi de suite. Quand est-ce qu'un harf il change et devient une autre lettre. C'est quoi son origine? Ça, c'est dans le sauf, Inch'Allah. Un moustawa plus haut. Toi, pour l'instant, on prend le mot. Ça y est, ça a compris Aqal, Alhamdulillah. Après, le pourquoi il est venu comme ça va après, Inch'Allah. Non. Sinon. Sinon, ça va être dur. Ça va être compliqué la tâche. طيب. الآن سندخل في الحوار. On rentre dans la conversation. أنت تكرم محمودا وأنت الموظف. طيب. Et كل واحد يحاول ترجم الجملة. Chacun d'entre vous essaie de traduire la phrase. S'il peut. Allez, non. T'as fini la phrase. Tu essaies de traduire, Inch'Allah. Si tu n'y arrives pas, Inch'Allah, on sera aidé. أريد أن أحجز لرياض. Je voudrais réserver pour Riyad. نعم. انظر déjà. Je pense que c'est tous des musulmans. Il n'y a pas de salam. Il n'y a pas de salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direct. Il arrive au Ridou Narjiza de Riyad. Le Narjiza salam, c'est parmi les aspects de la mahabba entre les gens. Donc là, tu t'étonnes pas que les gens ils sont tous de leur côté et gris les uns les autres. Ils ne se font même pas le salam. Taïeb. Et c'est un bi, au Ridou Narjiza de Riyad, quand un, il rentre dans un verbe. Le verbe qui après, il va prendre une fatha. Il va être mon soub. À la base. Il y a d'autres choses, mais à la base, il prend une fatha. Et pourquoi là, il y a N hein? C'est quand tu fais une liaison entre deux verbes. Tu mets N. C'est obligatoire. C'est obligé, ça. C'est ce qu'il faut faire, à la base. Par exemple, tu dis, je veux aller quelque part, ou Ridou N Azhaba, ou Naka. Tu dis, et pour quand en français, nous, des fois, il y a deux verbes conjugués. Yani, par exemple, non, là, je dis n'importe quoi. Fais-le. Fais-le. Fais-le. Fais-le. Mouna. Fais-le. Allez. Mouna ka, rihlatu yawma sabti. Nam. Là-bas. En fait, ça veut dire là-bas, mais là, lui veut dire actuellement. Elle veut dire actuellement. Hunaka là-bas, ça veut dire Hunaka là-bas. Mais lui, dans le sens qu'on dit Hunaka kada wa kada, il y a actuellement telle chose présente. On traduit par actuellement. Il y a une ambassade. Il y a une ambassade. Hein? Rihla. Rihla. Ça dit, c'est le même sens que l'ambassade, non? Là. Safar. J'ai pas dit Sifara. Ah. Un voyage. Il y a un. Hein? Mais lui, il veut dire quoi là maintenant? Un vol. Il y a un vol. Mais à la base, Rihla, c'est un voyage. Il y a un vol. Allez, ouais. De sommeil. Non, Yumaset. Yumaset. Ah, le jour de samedi. Allez, ouais. Il y a un vol pour samedi. Vous voyez, l'Ihra, ça veut dire safar à la base, mais il veut dire quoi? Un vol. Vous voyez. Mahmoud. Jamil, Jamil. Très bien. Réservez-moi une place. Non. الموظف أبي درجة الأولى أم السياحية درجة الأولى يصير أقوى الكلاس أبي je comprends pas الأليف الأليف non est-ce que en fait c'est une question qui va te poser ouais, est-ce que le est-ce qu'il y a une Vous êtes traduit par en première classe ou en classe touristique. C'est ça qu'il demande en fait. Eh, bidarajatil oula, est-ce en première classe, voyez, M, siyahia ou en touristique, en classe touristique. C'est ça qu'il lui demande. Mahmoud. La classe économique. Non. الموظف حسنا عليك أن توكد الحجز قبل سفري بيوم حسنا on se traduit par très bien très bien نعم très bien ça veut dire quoi عليك عليك il faut que alors Arsène il faut que tu توكد il faut que tu Akkada, confirmé. Il faut que tu confirmes la réservation avant Safari Biyom. Avant le. D'un jour avant le voyage. Un jour avant. Ailleurs. Safari, c'est. Le voyage, le départ. Ah oui. C'est-à-dire que tu confirmes la réservation au moins un jour avant le voyage. Non. Quand on a décollé l'avion. Non. Le 10e, qui veut dire à 10h. Ça veut dire à 10h. Sabahan, du matin. Non. À 10h du matin. Et quand est-ce que je dois me présenter à l'aéroport? Qu'est-ce que je dois Ahduru. Te présenter le présent venir. Dans l'autre texte avant, pas dans celui-là. قبل الإقلاع بسارة على الأقاليم. Avant إقلاع. في المصدر ده. لا. Avant l'arrivée. لا. إقلاع. هو يا سكنا دي إقلاع. أقلاع يقلعوا. Regarde dans le tableau du vocabulaire. Akla, on a dit c'était quoi? C'est l'arrivée. Ah, j'ai pas marqué. J'ai écouté en fait. J'ai pas marqué. Décollage. Au minimum une heure avant le décollage. D'ailleurs, comme l'éclore avant le décollage, d'une heure au minimum. Donc nous, dans français, ça dirait dans ce sens-là. Donc on dirait au minimum une heure avant le décollage. Et faire attention à ça, la place des mots en arabe, c'est pas comme dans la langue française. C'est pour ça que, c'est là que vous voyez la feuille du Nahou. Vous voyez, c'est quand on rappelle le Nahou, même si on te met les mots à la fin des phrases, on les mélange, tu vas tout trouver, inchallah. Mais au début, si on se base sur l'ordre de la langue française, on va se perdre. Tu vois, on va se perdre. On peut même tomber dans le kouf. Par exemple, c'est qu'au l'Ita'ala, innama yashallaha min ibadihi al-ulama'u. Voyez, si nous on lit en français mot pour mot, sans regarder les harakat qui prouvent la place des mots, on va dire que c'est que Allah qui craint ses serviteurs. Ça c'est le kouf. Allah ne craint pas ses serviteurs. Mais si tu regardes les harakat, tu verras que Allah il a une fatha, donc il est mafoul bihi, et l'ulama ou il a une dhamma, c'est-à-dire que c'est lui le sujet. Donc il ne faut pas garder la place, il faut regarder les harakat à la fin des mots. C'est ça qu'au cours du Nahou, Inch'Allah, vous arriverez à définir chaque chose. Inch'Allah. C'est quoi un Mubtada, c'est quoi un Khabar, un Fa'il, un Mafoubihi, ou Kazalik. Après, tu arrives à tout définir, Inch'Allah. Et après, c'est juste concevoir la chose dans la tête et la retransmettre en français s'il y a besoin. Naam. Ça y est, Mahmoud. Ouais, t'accompagne. Ouais, on a dit ça c'est Muntakad. Tu vois, c'est une expression Ashtaniboa. On n'a pas besoin. Rafaqa. Allez, accompagne. Toi, tu peux dire je t'accompagne, je peux dire. Rafikouk, tu peux dire. Alors, si tu as fait ta mine mada, tu as pris le vocabulaire. C'est-à-dire quoi, rafaqa et salama. Ama, la formule en elle-même, tu as eu, tu as tenu bois. Accompagné, rafaqa, t'accompagnes. Nam. Rafaqa. Que la paix soit avec toi. Et rafaqa, non. Comment Le verbe, c'est juste rafaqa. Et le tel, là, c'est ta'tanith fakina. Et au mouvaler, ça donne quoi? Yurafiku. Nam. Rafaqa, yurafiku. طيب النص مفهوم فالان يقول et comme tu le vois أعوذ بالله comme tu vois dans l'image à côté et ben ils sont en costard cravate quoi. Tout ça je dis que ce livre c'est pas une référence ennemie, c'est vraiment un truc pour voilà quoi. Et si tu vois le livre et tu vois les textes et tu vois les images, ben tu imagines un peu l'université comment elle est quoi. C'est l'université de Saoudi, ça? Ah oui, celle de Riyad. La meilleure jamia qu'il y a au Saoudi, c'est la jamia islamia. Et même elle a vraiment pris un coup. Ah oui, c'est le Médina. Elle a pris un mauvais coup. Vous voyez, les Isvis sont trop nombreux. Trop nombreux. Les salafis sont contre le doigt de la main. Les Isvis sont trop nombreux. Tu vois, on ne peut même pas dire qu'elle est salafia. Tu vois, il y a des salafis. Il y a du Khay qui reste toujours. Mais le mal est bien plus. Elle a beaucoup changé. Elle n'est pas comme à l'époque de Cheikh Ben Baz ou à l'époque où on sortait des grands savants. Et c'est la meilleure qui est là-bas. Donc je ne te dis pas celle-là, ou Moulkoro qui est à Mecca, dans quel état elles sont. Certaines d'entre elles ont même des Moudarissou, c'est des koufars en costard. Tu vois. Ils prennent des koufars comme professeur, je crois que c'est dans la médecine. Pourquoi? Parce que le but de la Jamia Islamia à la base, c'est d'enseigner quoi? La religion, pour que les gens repartent dans leur pays et fassent darwa. Et après, ils se sont élargis. Ils ont rentré des choses qui n'ont rien à voir. Tu vois. Peut-être la Hindassa, l'industrie, ou je sais pas, ils n'ont pas mis l'économie, ou Alain, des trucs en tout cas qui sortent de la Sharia. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui vient? La Sabdounia. Celui qui veut être ingénieur, celui qui veut être ci, celui qui veut être ça, tu vois. Ça sort de l'objectif d'origine. Et après, ça change. Et les niyas des gens changent. Donc forcément, ça prend un coup sur la darwa. Et c'est devenu ce que ça devient aujourd'hui. Et elle va de pire en pire. Tu vois, elle va de pire en pire. Voyez, ce sera là que l'on dit que la catastrophe va tourner.